Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule avec aujourd'hui Fabien Ilvine en invité superstar pour ce podcast bonus. Yeah, oui. Salut Fabien, ça va? Salut Romaric, ça pêche. Va t'es venu oui. Tu débarques de Paris avec un fucking podcast. Mais oui, absolument. Un fucking subject. J'avais envie de dire que tu te mets à faire des thèmes racoleurs, mais c'est moi qui ai proposé le sujet. C'est toi qui propose, donc cette fois-ci, je suis pour rien. Puis de toute façon, c'est pas nouveau qu'on fait des thèmes racoleurs. Flavie est avec nous également. Bonsoir, je prends cette voix pour une raison bien particulière. Vous allez l'apprendre quand on va dire le sujet. Sombrons-nous dès le départ dans la caricature, étant donné que le sujet est sexualité et jeu de rôle. Il va partir en live ce podcast. Ouais, je le sens. Alors, sexualité et jeu de rôle, Fabien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as des choses à nous raconter? Ouais. Tu... Alors, pourquoi j'ai proposé le sujet? Ouais. D'abord, c'est parce que j'ai le sentiment que c'est, que le jeu de rôle, pour acquérir ses lettres de noblesse et puis pour être, moi, j'aimerais bien que le jeu de rôle soit reconnu au même titre que le cinéma ou la littérature plus conventionnelle. D'accord. Ouais. Et un thème comme la sexualité, un thème qui me semble être sous-traité ou maltraité par le jeu de rôle. Et je pense que ce serait intéressant qu'il y ait plus de jeux qui abordent ce thème-là. Je pense qu'il y a des raisons bien particulières, hein, parce que ce soit au cinéma ou dans les livres, c'est toujours un sujet extrêmement casse-gueule. Donc, à partir de là, dans le jeu de rôle, quand en plus on est à plusieurs, c'est d'autant plus glissant. Ouais, alors... c'est vrai, mais... Très bien. Ouais, quand on parle de sexualité... Je crois que ce serait bien de commencer par dire que la sexualité, c'est pas que les pratiques sexuelles. En tout cas, c'est une. C'est pas un film de cul avec dedans dehors. Oh d'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que. Tu es venu ici pour nous parler finalement de pornographie, en fait. On pourrait imaginer d'en parler, mais ce serait très très très réducteur. D'accord. C'est-à-dire que oui, c'est aussi un aspect de la sexualité, mais la sexualité, c'est. Enfin, je trouve que c'est intéressant de le considérer avant tout comme des rapports sociaux. C'est-à-dire le fait... En fait, la sexualité commence pas dans le lit, mais déjà dans l'installation de l'intimité, en fait. Ouais, et même même avant, dans le un couple, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a des relations sexuelles, en tout cas, enfin des relations sexuelles au sens large, si j'ose dire. Ouais. Pour préciser rapidement à nos auditeurs, c'est que toi, t'es étudiant en sociologie. Tu fais ouais, une thèse. Je fais une thèse sur le féminisme, ouais, qui est justement un thème dans lequel on aborde ces notions de genre. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire donc, que la. Se voir que tu viens pas de nulle part non plus. Le féminisme dans le féminisme et dans toutes les questions autour de l'homophobie, toutes les questions lesbiennes, gays, transsexuelles, bisexuelles, transsexuelles, ouais, qui sont des questions éminemment politiques. C'est-à-dire que les désirs d'être humains peuvent briser des normes sociales, peuvent même aller à l'encontre d'un certain système économique. Et là tu es en train de parler de sexualité. Et là je suis en train de parler début de ce podcast. Exactement. Pourtant on n'est pas en train de décrire une scène pornographique, on n'est pas en train de parler de pornographie, on n'est pas en train de parler de sexe en tant qu'acte. On est vraiment en train de parler aussi de sexe en tant que genre social, en tant que attitude, en tant que comportement des acteurs au sein de la société. Alors j'ai un petit truc, une expérience amusante à vous montrer. Pour donc là, tu vas nous parler d'expérience sexuelle. Hein, voilà, je vais vous parler de... Là je vais parler de sexualité et je ne vais pas parler de sexe. Expérience. D'accord. Romaric. Oui. Je t'aime. Je voudrais qu'on, qu'on vive ensemble, qu'on élève des enfants ensemble. Tu es sur Paris, malheureusement. Et puis, accessoirement, il est déjà pris. Ah oui. voilà. Donc, là, j'ai parlé de sexualité sans parler de sexe. Exact. Et d'une part, je parlais de sexualité sans parler de sexe, mais on a bien vu aussi que ça pose des problèmes sociaux, parce que immédiatement, t'es pas libre. Non, je suis pas libre. Peut-être que certains de nos auditeurs ont sauté au plafond du fait que toi et moi, on est tous les deux des garçons. Tout à fait. Tout ça, enfin. fermer un peu la parenthèse, mais tout ça pour dire que... En fait, j'ai envie de dire que au-delà de la sexualité, t'es aussi venu nous parler d'amour, finalement. D'amour dans le jeu de rôle. Alors, d'intimité dans le jeu de rôle. D'intimité dans le jeu de rôle, d'accord. Ok. C'est intéressant. Moi, j'ai l'impression, alors, de totalement naïf sur la question, hein, débarques avec ton sujet de podcast. Moi, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est souvent évité à une table de jeu de rôle, d'une manière générale, comme ce que tu disais tout à l'heure, Flavie, c'est-à-dire comme un sujet casse-gueule, au sens où on est autour d'une table. Moi, je vais dire ce qui s'est passé les premières fois où j'ai eu ce genre de choses. Flavie. C'est-à-dire que tout le monde est autour de la table et avec mon maître de jeu... Il y a une histoire d'amour que j'ai avec un PNJ, donc je la joue avec le maître de jeu. Donc on est tous les deux. Alors que tout le monde est autour de la table, intimes. On décrit une scène intime. La personne laisse sa main contre moi. Dans le jeu, mais pas autour de la table. Et en fait, tout le monde était rouge autour de nous. En fait, tout le monde ça a mis mal à l'aise les gens. Tout le monde a dit, en fait, suite à cette partie, qu'il s'était fait chier. D'accord. C'était emmerdé en fait. Alors bon, je pense que ça cachait tout simplement une gêne. Je pense que ça c'est vachement intéressant. La sexualité en fait. Je pense que chacun la vit et son intimité. On n'avait pas encore poussé le truc jusqu'où on a pu la pousser en train de entre guillemets parce que du coup on avait plus ou moins joué les scènes d'amour et là on arrêtait assez rapidement. On arrêtait assez rapidement parce que mais on disait qu'il se passait qu'il y avait une scène d'amour qui se passait après le silence. Alors, on faisait des sous-entendus genre un quadrilla, ça peut se transformer en n'importe quoi. Je voudrais juste terminer mon idée, c'est que finalement comme en fait autour d'une table, chacun arrive avec sa vision de l'intimité et de la sexualité, je pense que c'est difficile de poser un contrat social sur ces sujets-là. Alors, parce que justement, ça concerne l'intimité. Tu commences à aborder un thème qui est intéressant là-dessus, c'est-à-dire si on veut parler de sexualité en jeu de rôle, qu'est-ce que ça suppose dans les règles et dans la répartition de la parole ? Ouais. Alors, comme moi j'ai un projet en ce moment d'écrire un jeu de rôle justement qui parlerait de sexualité bien en tête. Deux projets. J'ai deux si je te connais bien. J'ai deux projets. Bah, t'as le jeu de rôle sur la sexualité queer. Ouais. Et le deuxième, c'est orgue. Mais c'est la même chose en fait. Ah, d'accord, ok. C'est le même. Ah, je savais pas que tu lui avais fusionné les deux. Même si le jeu de rôle sur la sexualité. Si, orgue, c'est une. Enfin, même si j'aime pas trop utiliser le terme de queer parce que c'est. Enfin. J'ai pas de problème avec le terme lui-même, mais. Donc, ça... quand on parle de queer, pour les auditeurs qui connaîtraient pas le phénomène des drag queens et ce genre de. Ouais, alors c'est plus compliqué que ça. C'est un peu pour ça que j'ai pas très envie d'en parler parce que on laisse les auditeurs voir ça par eux-mêmes. Juste rapidement, c'est un terme qui a été très théorisé, qui est très complexe. L'auteur principal là-dessus, c'est Judith Butler, donc trouble dans le genre. Et donc, pour résumer très rapidement, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la remise en cause des identités, oui. En disant que qu'on soit homo, hétéro, homme, femme, trans ou tout ce que vous voulez, il faut pas se laisser enfermer dans des identités. Et donc, par exemple, être un homme, c'est aussi artificiel que, c'est un construit artificiel, c'est un construit social. En fait, on est tous des travestis. Qu'on joue notre genre. Voilà, c'est ça, parce qu'on joue notre genre. Je joue à être un homme. Flavie joue à être une femme. Ouais, d'ailleurs, ça me pèse un peu. Une femme selon les codes du genre féminin qu'on lui a inculqué, on va dire, durant sa socialisation. C'est ça, voilà. Okay, d'accord. Quand j'ai joué à la Barbie, j'ai vu qu'il fallait porter des jupes. Voilà, c'est ça. Et depuis, tu joues. C'est-à-dire que dans une société où on t'aurait appris à jouer la femme différemment, tu serais féminine d'une manière différente. Ben, j'ai un petit truc à te dire là-dessus, parce que du coup, je suis un peu confrontée à la construction techniquement de la sexualité, du genre sexué, de par le fait que ta je sois profession. Avec des élèves, quoi. Et je remarque que les petites filles, elles jouent à la poupée, tout ça, tout ça. Et on leur offre des trucs du type « Tiens, voilà, il faut faire à repasser pour repasser comme maman. Hey. Tiens, voilà, une machine à laver et tout. » Et en fait, les garçons, on leur offre pas ça. Les garçons, on leur offre pas un balai en disant oh, « Tu vas apprendre à balayer comme maman. » On leur offre des G.I. Joe ou ce genre de choses, ou des Transformers. Et il y a quelqu'un de ma famille qui a offert, en revanche, à mon petit-neveu... ben, en plus des G.I. Joe et tout le reste, hein, des aspirateurs ou des trucs comme ça, ils trouvent ça rigolo de jouer avec. Donc, comme quoi, c'est pas forcément. Non, c'est défini vraiment par les parents, quoi. Ouais. Alors, je propose qu'on revienne quand même vers jeux de rôle, sexualité et jeux de rôle. D'accord. C'est intéressant, cette histoire de genre, quand même. Mais... C'est bien distingué de la nature physique de l'individu. C'est-à-dire non, que... c'est. Alors, ouais. Bon, on va peut-être pas rentrer. Ouais, j'ai plein de choses à te dire. Mais ton podcast, il va tripler de longueur si je te parle de ma thèse. Ça roule. Donc, pour revenir à sexualité et jeux de rôle, moi, j'ai l'impression que le premier truc, il y a pas mal de c'est important qu'en fait les règles soutiennent et aident les joueurs à parler de choses intimes. D'accord. À parler plus précisément de sexualité. Je pense que ce serait notamment une bonne idée parce que autour de la table, du coup, ça établirait un contrat social qui du coup éviterait cette petite gêne. Alors là, je comprends pas. C'est-à-dire que tu voudrais que dans tous les jeux de rôle. Non. Non. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, mais d'accord, j'ai zappé un truc là. Ce que je dis, c'est que si un jeu dit moi je veux parler d'intimité, ouais. Alors à mon avis, il faut que les règles soutiennent, aident les joueurs à parler d'intimité sans être dans l'inconfort. D'accord. Ouais. Par exemple, moi, un de mes dadas théoriques ou une des réflexions. Une de mes marottes que je me fais, c'est que parler d'intimité en jeu de rôle, c'est un peu comme se mettre à poil. Et se mettre à poil, si tout le monde le fait en même temps, ben ça passe. C'est un peu bizarre au début, mais ça le fait. Mmh. En revanche, s'il y a seulement une partie des gens qui se mettent à poil ou seulement une partie des gens qui restent habillés, d'un seul coup, ça fait bizarre parce que il y a des gens qui sont en position, qui s'exposent et des gens qui voient. Et en jeu de rôle, c'est un peu la même chose. Si tout le monde parle d'intimité autour de la table, ça va, ça peut le faire. Ouais. En revanche, s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui ne le fait pas, d'accord, typiquement dans un jeu de rôle avec un meneur de jeu, mmh, ça pose problème. Alors si je veux résumer ton idée, ouais, en 30 secondes, c'est ce que tu es en train de dire, c'est finalement il faut un contrat social clair de manière à obliger les joueurs dès le départ à savoir quel vêtement on enlève. Alors, que tout le monde soit à égalité du point de vue. Pas obligé, mais que le jeu de rôle. Mais qu'on choisisse. Non, quand je dis obligé, je veux dire, si tu choisis de jouer à ce jeu de rôle là, tu acceptes d'enlever ton slip. Ok, voilà. Voilà, c'est ça l'idée. Et alors, j'ai deux exemples de ce point de vue-là. Il y a un premier jeu de rôle qui s'appelle Breaking the Ice d'Emily Carboss, qui est donc un jeu de rôle qui se joue à deux pour raconter des histoires d'amour et qui a été traduit récemment par la boîte à eux, et c'est une excellente chose, ouais, dans lequel on se met d'accord au début sur jusqu'où peut aller la sexualité entre les deux personnages. Et ça va de la sexualité n'existe pas à la sexualité existe et on la décrit explicitement en passant par on sait que la sexualité existe, enfin plus exactement que les rapports sexuels existent, puisque là on parle bien de rapports sexuels et pas de sexualité en général, existent, mais on les montre pas. On dit, ça arrive, mais on les décrit pas. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'on choisit son niveau, si j'ose dire, on choisit si c'est interdit au moins de 14, au moins de 16 ou au moins de 18. Exactement, c'est exactement comme ça que c'est décrit. Et mon autre exemple, c'est Les Cordes Sensibles de Frédéric Sintès, qui est pas un jeu spécifiquement sur la sexualité, mais qui est un jeu sur l'intime en général. D'accord. Et qui est un jeu donc, qui peut se jouer à plus de 2, hein, ça peut se jouer à 4, je crois, au maximum. Et dans lequel, justement, il n'y a pas de meneur pour cette raison-là. Je pense que Frédéric ne me contredirait pas. C'est vraiment parce que ça permet à tout le monde de parler de son intimité. D'accord, ok. Donc, à égalité. J'ai fait une partie une fois des Cordes Sensibles avec quelqu'un qui regardait à côté et c'était très, très. Très, très gênant. Très inconfortable, ouais. Ouais. Moi, j'ai tendance à dire que si dans Les Cordes Sensibles, il n'y a pas cette égalité, s'il y a des gens qui voient et la partie tourne rapidement à la parodie ou à l'humour. Ouais, parce que j'ai déjà assisté à ce genre de partie et ma présence, le fait que j'y assiste, parce que moi je sais bien que j'ai du mal à jouer à ce jeu, a fait que la partie finalement a tourné au ridicule, de ma faute en partie. Ouais, parce que ceux qui s'exposent, en fait, essayent de se protéger, c'est normal d'une certaine manière. D'accord, ouais. C'est intéressant. Donc, premier point, tu dis, si on veut parler de sexualité dans un jeu de rôle, il faut d'abord que les règles mettent les participants d'accord sur jusqu'où on va aller en termes de sexualité au cours de la partie. Exactement. Premier point. Ouais, je fais juste un petit rappel. Il y a récemment, j'ai rencontré avec toi un vieux rôliste qui disait que il n'avait pas besoin de ça, par exemple, pour mettre de la sexualité dans ses parties, et que lui, il en avait bien avant. D'accord. Et là, évidemment, on ne dit pas que... dans les jeux de rôle. D'accord. Et on ne dit pas que ça ne peut pas exister sans, on dit que ce serait quand même mieux qu'il y ait des règles pour le soutenir. D'accord. Donc là, ce que tu veux dire, Flavie, c'est que, bien sûr, il n'y a pas, besoin de règles spécifiques pour obtenir de la sexualité. On peut obtenir de la sexualité dans Donjons et Dragons, bien que les règles soient davantage faites pour simuler le combat et l'affrontement avec des gobelins. Mais par contre, du coup, ça pose des soucis autour de la table. Mais je pense que ça pose des soucis autour de la table parce que le contrat social n'explicite pas exactement comment les mettre en place et du coup les gens se sentent un peu inconfortables. Quoi. Ouais. Ça veut pas dire qu'il y en a jamais eu avant dans les jeux de rôle, de dire qu'il y a des jeux de rôle qui en parlent. Oui, on a tous vécu un moment où on est dans la taverne et on se tape l'aubergiste. Quoi. Mais, mais bon, ça veut pas dire qu'il y a jamais eu ça avant, mais qu'on peut le faire mieux. Et souvent, ouais, dans les fois où j'ai dans les parties de jeux de rôle traditionnels dans lesquelles j'ai pu parler de sexualité, effectivement, ça tournait à la dérision ou à la caricature, parce que effectivement, la caricature, c'est un moyen de protéger un moyen tout à fait sain, hein, de protéger son intimité. Son intimité. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans les jeux de rôle, pour lesquels les règles ne sont pas vraiment faites pour ça, on a de grands risques de tomber dans la caricature. Dans les caricatures, ou alors dans le fait que tous les gens soient gênés, etc. Ce qui revient au même. Et alors, j'en veux pour preuve aussi que je crois que tous les jeux de rôle que je connais qui veulent parler de sexualité sont des jeux, soit qui sont des jeux à deux, type Breaking the Ice, donc que je mentionnais de Amy Carbos, Slay With Me de Ron Edwards, dans lequel c'est des aventures à la Conan le Barbare avec un monstre, une amante ou un amant, et on interagit. Mm-hmm. Soit c'est des jeux dans lesquels on se met d'accord au début, et le plus souvent il n'y a pas vraiment de... On peut aussi citer dans les jeux à deux sortis récemment aux écuries de Lyon. Ah oui, exact, tout à fait. Le jeu de rôle de Lionel Jeanneret. Ouais, là ça va encore plus loin, parce que c'est pas seulement l'intimité par la parole, c'est aussi l'intimité physique des joueurs qui est... Là, on se met vraiment à nu. On se met vraiment à nu, ouais. Du coup, là, on peut dire qu'on se met à nu et tout nu. Oui, tout à fait. Exactement. Ouais. Mais là aussi, c'est un jeu à deux. Ouais. Le Lionel explique que la partie a pour but d'exciter les participants et mener à terme, même si on peut y jouer avec son meilleur ami, sans pour autant rentrer dans... Ouais, il faut quand même que tu puisses embrasser ton meilleur ami sur le sexe, il me semble, hein, ou même sur la bouche. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, c'est possible, hein, éviter que tu joues avec ton meilleur ami. Bon, j'ai vu Fred et Lionel y jouer ensemble, j'étais encore en position de voyeur, et ça n'a pas du tout tourné à la caricature, je peux vous le dire. Bah, c'est bien, c'est qu'ils étaient en confiance avec toi. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est bon, bah voilà, chacun avait accepté aussi d'entrer dans le trip de romance érotique et accepter les règles de romance érotique. Il y a quand même une exception, je crois, Apocalypse World de Vincent Baker. Alors, j'ai pas joué à ce jeu, mais de ce que j'avais retenu des règles, tu peux faire des sex moves dans lequel donc c'est vraiment des relations sexuelles qui te permettent, je crois, de remplir à nouveau tes jauges. Mais comme j'ai jamais joué au jeu, juste pour dire que c'est... Il y a peut-être des jeux qui le permettent quand même, mais je sais pas comment ils fonctionnent et comment ils font pour qu'on puisse parler d'intimité sans que ce soit difficile. D'accord, ok. Est-ce que tu avais noté d'autres problématiques que tu voulais aborder au cours de ce podcast? Moi j'ai quelques questions. Sinon ça viendra. La question en fait du genre justement dans le jeu de rôle, ouais, et de la caricature qui est faite en fait en particulier de la femme, je trouve, mais aussi de l'homme, genre féminin et du genre masculin. Et des homos. Et les homosexuels. Je pense aux elfes. Qui n'a jamais entendu dire dans une partie que les elfes étaient des PD? Que les elfes sont des PD, ouais. C'est souvent moi qui les joue, hein, quand on fait de la fantasy. Ouais, non, mais après. C'est une représentation des homosexuels qui est assez assez terrible. Donc ça, c'est pareil. Moi, je pense... Alors, tu vois, c'est pour ça que c'est dommage qu'on ait interrompu la première conversation sur le genre. Ouais. Je pense qu'on peut la reprendre à ce moment-là. Moi, il me semble quand même que le jeu, dans les bases de jeux de rôle, je dis pas dans les parties, parce que j'assiste pas à toutes les parties de jeux de rôle qui se déroulent en France, hein, bien sûr, ou dans un pays francophone, mais il me semble que dans les bases de jeux de rôle, les personnages, qu'ils soient féminins ou masculins, sont très genrés. C'est-à-dire qu'ils sont presque caricaturaux du sexe qu'ils incarnent. Il y a un beau terme pour ça, c'est le dimorphisme sexuel. C'est-à-dire l'idée que... Parle pas de Guy. C'est le fait que les corps soient extrêmement... soient déformés en fonction du sexe. Ouais. Moi, c'est un truc qui m'avait frappé. Alors, c'est pas un jeu de rôle, mais en jouant à WoW, les hommes... Enfin, je parle des êtres humains. Les hommes sont vraiment... World of Warcraft. Hein, World of Warcraft, ouais, pardon. Les hommes ont vraiment des épaules très larges et les femmes ont vraiment une poitrine qui défie les lois de la gravité. Donc, d'accord, ok. J'ai envie de te dire, il y a... c'est sur Slay With Me, la présentation. Ah oui, la couverture est... La couverture est quand même assez outrancière, quoi. Ouais, effectivement, donc c'est pas un truc que de jeu de rôle. Alors non, ça fait partie en fait du canon, je pense, de Ron Edwards, d'avoir en fait ce qu'il appelle lui-même une « babes », c'est-à-dire une femme de la hard fantasy de cette époque-là, si j'ose dire. C'est-à-dire, dans Conan le Barbare, toutes les femmes, absolument toutes, sauf les pauvres, sauf les paysannes et les vieilles aussi, et les personnes âgées, sont effectivement laides au sens du canon américain du terme. C'est-à-dire, je parle bien du canon d'Hollywood, hein, pas du vrai canon, parce que le canon américain, j'en ai pas vu là-bas. Mais en tout cas, voilà, au sens d'Hollywood, la femme a une poitrine imposante, une taille relativement fine, un visage sans boutons, des cheveux lisses, etc. Enfin, on peut faire défiler, mais il y a un canon bien spécifique. Et dans Conan le Barbare, les femmes des années 80, sont dans le film, d'accord, dans le Barbare, elles sont vraiment décrites, correspondent à ça, elles correspondent à ce canon-là. Je pense que Ron Edwards, quand il met sa babes sur le bouquin, il pense à ce canon esthétique-là, en fait. Et par exemple, tu vois Manga Boys, où il y a 5 couvertures différentes avec à chaque fois 5 nanas à moitié à poil. Alors voilà, donc là, il y a un autre canon esthétique qui est celui du manga. De manga pour hommes, le hentai par exemple. C'est des dessins de manga sur. Oui, c'est sur Manga Boy, c'est des dessins vraiment style manga. D'accord. Et là, donc c'est pareil. Dans les mangas, les femmes sont, enfin rares sont les femmes qui ont une poitrine discrète. Généralement, elles ont une poitrine surimposante et notamment dans les shonen. Ouais. Le problème, en fait, c'est qu'on s'adresse à un public qui, il y a encore peu de temps, à mon avis, dans le jeu de rôle, était massivement masculin. Aujourd'hui, c'est vraiment en train de changer. Et du coup, pour vendre davantage, c'est mon point de vue, on choisissait d'exposer des nichons. J'ai un exemple chez les ludopathes Subabis, dans lequel on expose carrément les nibards d'une nana, alors que pourtant le jeu parle de toute autre chose. L'aventure dans l'océan ou ce genre de choses. Enfin, bref, c'est vraiment... Je sais bien que c'est pas ce que tu sous-entends, mais j'aimerais bien qu'on dise un truc quand même, que la marchandisation du corps des femmes, c'est pas un truc, enfin, il faudrait pas qu'on dise que c'est un truc que demande le public ou dont le public aurait envie. Je pense que je peux te fournir des chiffres disponibles sur Internet qui montrent que la fréquentation des pages Internet varie en fonction des poitrines que tu y exposes. Ou des chats. Les chats. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai. Les chats. Il y a notamment Marcus chez Marcus, sur No Life, qui prétend que lorsque son chat apparaît à l'écran, l'émission est visionnée je sais plus combien de fois de plus, enfin bref. Et donc il fait apparaître son chat à l'écran. Donc en fait, moralité, quand vous voulez vendre un jeu de rôle, vous mettez une femme à poil et un chat. D'où les femmes guerrières au gros sein, qui est une... Mais ça, enfin moi, je pense qu'on peut pas passer à un sujet jeu de rôle et sexualité sans parler de cette pratique qui consiste justement à mettre le corps des femmes en avant pour faire vendre du jeu de rôle. Dans les illustrations, Dans les illustrations. Ah, parce que dans les textes, ça apparaît pas. Ça apparaît. Alors, je fais la grimace. Je suis pas sûr que ça n'apparaisse pas non plus dans les textes. D'accord. Comment ça? C'est-à-dire qu'en fait, les femmes dans les textes de jeu de rôle, par exemple, les femmes qui commandent. Il y a un truc sur lequel je voudrais que dont on a parlé en préparation du podcast, Fabien, qui va permettre. Tu m'avais dit une fois qu'il y avait une manière de distinguer les films. Ah oui, exact. Comment t'as fait ça? Je sais plus exactement ce que c'est, mais j'ai noté qu'il y a dans le jeu de rôle il y avait la même chose. En tout cas, c'est intéressant. Les films, oui, il y a trois. Sexiste. C'est pas exactement c'est ça, pas sexiste, mais c'est intéressant pour voir la place des femmes dans les films, de se poser trois questions. Voilà, c'est ça. D'abord, est-ce qu'il y a deux personnages féminins? Est-ce qu'il y a deux personnages féminins parlants dans le film? Première question. Alors, voilà. Star Wars, on y arrive difficilement parce que il y a évidemment Princesse Leia, mais il y a également la sénatrice Mon Mothma qui apparaît à la fin dans le, je sais plus si c'est dans le 6. Putain, faut aller les chercher. Hein. Donc c'est, enfin je parle des la première trilogie. Ouais, de la seule trilogie. Il y a eu une autre trilogie pour ça. Ah Star Wars. Pardon, non, il n'y a pas de trilogie. Oui, Jar Jar Binks. Excuse-moi. Je croyais. Bon, ensuite, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que ces deux femmes parlent ensemble? Ouais. Donc là, déjà, Star Wars, c'est fini. Et si on peut penser à d'autres films. Matrix, il dépasse pas le premier, je crois. Ouais. Enfin bon. Et la dernière question à se poser, c'est est-ce que quand ces deux femmes parlent ensemble, elles parlent autre chose que d'hommes? Alors là, messieurs, accrochez-vous à vos chaises, parce que quand on fait ce calcul-là, moi, depuis que tu m'en as parlé, ouais, j'ai fait ce calcul, et mon Dieu, c'est incroyable, c'est hyper dur de trouver un film dans lequel ces trois conditions sont réunies. Vraiment. Notamment dans les blockbusters. Parce que, par exemple, des films comme La Leçon de piano et tout. Non, je parle des blockbusters. Il y a eu Sucker Punch. Ah, mais ouais. Forcément, les protagonistes, c'est que des femmes. Oui. Ouais, et puis là, on peut. Question marchandisation du corps des femmes, on peut en parler. Ouais. Et pour toi, c'est la même chose dans le jeu de rôle alors? Ben oui. En fait, c'est super difficile. Je prends par exemple mon exemple. Quand tu m'as parlé de ça, j'ai tout de suite pensé à Sens. Ouais. Je me suis dit, putain, dans Sens, est-ce que ça marche? Et j'ai été inquiet parce que il y a pas tant de femmes que ça dans Sens. Azilise, elle parle pas beaucoup, elle la pauvre. Pas etc. Et je me suis dit, putain, la vache. Sylipsis, pendant toute une période, on pense que c'est un garçon. Dans mon jeu, c'est quand même super, super spé. Bon, enfin bon, moi j'ai des homosexuels, je suis un peu à l'abri du sexisme, mais bon, quand même, c'était limite, quoi. Et tu vois, on s'en rend pas compte, en fait. Mais je pense que dans les produits culturels qu'on consomme. J'ai regardé il n'y a pas longtemps la base de Warhammer, et dans les personnages, il y a plein de femmes. Mais il y a plein de femmes, mais elles ont quel est leur rôle? Eh ben, à chaque fois, elles ont des rôles, ça peut être important. Il y a des pisteurs, des rôles, c'est jamais pour les pêcheurs. Ce serait pas plutôt la guérisseuse? La prêtresse? Non, j'étais justement étonnée parce que j'avais pas mal de choix. Justement, parce que j'aime bien choisir. Il y avait des exemples, tu vois. Et c'était plutôt Warhammer, c'est un jeu assez récent aussi. Tu plaisantes? Non, le Warhammer, le jeu de rôle. Non, même le jeu de rôle, c'est un des plus vieux. Bah là, c'était une réédition. La réédition est assez récente. Le livre qu'avait Benjamin était vachement récent. Oui, mais il date du début des années, des années 2000, la deuxième édition de Warhammer. Mais bon, ce jeu. Parce que le jeu lui-même, il date des années 80. Moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, que dans aucune de mes parties de jeu de rôle, et dans les jeux que j'ai eu la chance de lire, ces trois conditions. Je sais qu'une fois on m'a fait la réflexion, enfin juste voilà, ça a peut-être rien à voir, mais voilà, j'étais maître de jeu et il y a un joueur qui s'est permis de me dire que comme j'avais pas une grosse voix pour jouer les hommes, et ben du coup il y croyait moins. Alors ça a peut-être rien à voir, mais voilà, il y a peut-être un petit ça, c'est peu vraiment, aussi de ça pour moi c'est vraiment de une machisme voilà, un une peu toute latent autre question. Pour voilà, c'est mais ça a rien à voir. La place de la femme après dans le milieu du jeu de rôle en général. Là, c'est une question vraiment. Oui, moi, je suis pas spécialiste de cette question. J'ai l'impression qu'il y a dans le jeu de rôle. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes dans le milieu moi du aussi. Jeu de rôle. Après, l'autre jour, j'en parlais à Sylvie qui travaille aussi sur ces questions de féminisme et tout ça à l'UDESCO, et elle me disait que oui, il y a de plus en plus de femmes dans le milieu du jeu de rôle, mais regardons un petit peu au niveau de la place des maîtres de jeu. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes à maîtriser des parties? Ouais. Et là, effectivement, il semble y avoir comme un espèce de plafond de verre. Aussi parce que pour le patriarcat d'une femme qui pour le sexisme, d'accord, une femme qui dirige, c'est difficilement pensable. Il suffit de voir combien y a-t-il de femmes directrices présidente directrice générale d'un groupe coté au CAC 40? Je sais pas, j'en sais rien. Zéro. Bah, y a Bettencourt, non. Ben non, mais en cours, c'est juste la première. De toute façon, dans l'éducation nationale, elle est directrice de L'Oréal. Dans l'éducation nationale, c'est quand même énormément de femmes. C'est l'actionnaire principal. Mais par contre, les inspecteurs, c'est des inspecteurs, souvent. Moi, je connais très peu d'inspecteurs femmes. Mais c'est vrai que ce que tu dis là derrière, Rome, c'est que si on veut que le jeu de rôle s'ouvre, s'étende, se fasse reconnaître comme ce que beaucoup de gens veulent, et c'est très bien, ça signifie aussi qu'il faut qu'on change effectivement le sexisme latent qu'il y a à la fois dans les jeux eux-mêmes, dans les règles, dans les illustrations, dans les textes, mais également les comportements qu'on peut avoir autour des tables. Et alors on parlait des femmes, mais je me permettrais aussi de dire que il faudrait veiller à tout ce qui est comportement homophobe aussi. Oui, c'est vrai. Tu penses qu'il y a... Ah oui, à cause des elfes PD et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis... Après, bon, ouais. Ouais. Non, enfin, faut peut-être aussi quand même... séparer ta foi des blagues rigolotes. Voilà. Je sais pas. C'est une question... C'est vraiment compliqué, quoi. Compliqué. Parce que moi, ce que je me pose comme question, Fabien, par rapport à ça, c'est si l'allocution « t'es un PD », tu vois ce que je veux dire, n'a pas été totalement détaché et vidé de sa signification originelle. Alors, Je te répondrais que... C'est comme les femmes qui disent... Attends, je développe juste. Ouais. C'est comme les femmes qui disent « tu me casses les couilles ». Évidemment, les femmes n'ont pas de couilles à casser, et donc cette expression ne veut pas dire ce qu'elle veut dire. Enfin, si tu prends au pied de la lettre, évidemment, elle est insensée. Mais ce qu'elle veut dire là, c'est qu'on lui casse les pieds. Tu vois ce que je veux dire, ou qu'on l'emmerde, quoi. Tu vois, oui, enfin, les mots ont quand même un vrai sens que tu peux jamais leur enlever. Il y a une dimension. Le problème de fond, c'est d'utiliser la supposée homosexualité de quelqu'un comme une insulte. Et tant qu'on fera ça, ça supposera qu'être un homosexuel, c'est quelque chose d'inférieur, de moins bon, plus faible, etc. etc., etc. Mais là, on dévie de la question du jeu de rôle et sexualité. J'aimerais bien peut-être revenir au sujet de la sexualité en lui-même. Je sais pas si... Ouais. Mais on tourne autour depuis tout à l'heure, finalement. Ça, pour parler un peu plus des règles qui peuvent sous-tendre de la sexualité dans le jeu. Ouais. J'aurais bien aimé, parce que nous, juste avant le podcast, on a fait un jeu, c'était... Hot Guys Making Out, en gros, Ben Lehman, qui est également l'auteur de Polaris, qui va avec Tragedy at the Utmost North. Ouais. Et voilà, je trouvais qu'il y a quand même des choses qui commencent à apparaître dans le jeu de rôle qui peuvent carrément être utilisées... bien au niveau là, par exemple, le jeu de cartes qui fait monter la pression, ce genre de choses. Ouais. Et je pense que... avec ce genre de choses, on peut carrément ramener de la sexualité dans certains jeux où il n'y en aurait pas. Enfin, on pourrait peut-être s'inspirer de ce genre de jeu pour pouvoir créer des petites choses dans les jeux plus classiques. Là, j'ai l'impression que dans la question de Fabie, il y a l'idée qu'il faudrait que la sexualité arrive dans des jeux de rôle. Bah en fait, elle est déjà là dans les jeux de rôle traditionnels, donc pourquoi pas créer quelque chose ? Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire, on peut faire un jeu de rôle sur la sexualité. On peut faire un jeu de rôle qui parle de sexualité, mais faire débarquer de la sexualité dans un jeu de rôle traditionnel, je sais pas, ce serait... Ouais, mais elle est déjà présente, pourquoi ne pas l'aider ? Moi, j'ai la sensation que ça... Dès que tu dis, dans mon jeu de rôle, il faut pouvoir parler de sexualité, que ça a tout un tas de répercussions aussi. C'est un sujet qui prend de la place dans le jeu. pour que la sexualité devienne vraiment intéressante, il y a une chose qui est essentielle, que les règles doivent traiter absolument, c'est les relations. Parce que si t'as des relations sexuelles avec, si A a des relations sexuelles avec B, ben ça peut avoir des répercussions sur E2, mais également sur C, parce que je sais pas, C a déjà une liaison avec A. Donc il y a des jeux qui traitent les relations humaines en disant machin est mon ami, par exemple, ça peut être une phrase de la feuille de personnage. Et le problème c'est que voilà, la sexualité, à partir du moment où on dit « je veux traiter ça dans mon jeu », ça a beaucoup de conséquences. Ça exige, si tu veux amener ça dans un jeu, ça exige une adaptation énorme. Et alors l'autre truc, c'est que si tu amènes ça, je pense pas que tu puisses parler de sexualité de manière intéressante dans n'importe quel univers. Parce qu'il y a plein d'univers où la sexualité des personnages n'est pas un problème, ou elle est pas, en tout cas, elle est pas problématisée. C'est-à-dire tous les problèmes de féminisme, de patriarcat, d'homosexualité, enfin d'homophobie plus exactement, dont on parlait jusque-là, sont des problèmes qui sont évités ou pas mentionnés dans beaucoup d'univers. Moi, je pense que moins que l'univers, c'est le système en fait qui fait la diff. C'est-à-dire que par exemple, tu prends un système comme celui de Donjons et Dragons, où là, clairement, le système t'invite à choisir des équipements pour être le meilleur dans le donjon, ouais. Ou en tout cas, pas forcément le meilleur, mais le plus utile possible. Là, c'est clairement pas le but du jeu. Enfin, on aurait tort de jouer une scène. Par exemple, un jeu comme Vampire, je suis désolée, il amène assez facilement à avoir des relations autour... Enfin, c'est pas le système, mais le canon. Le canon amène... Tu vois, comme quoi, c'est l'univers aussi, ouais. est vachement l'univers important. Est vachement le canon important. Vampire amène à avoir des relations autour de la table. Ouais. Et pourquoi pas avoir des relations sexuelles. Est-ce que c'est le canon Vampire, ou est-ce que c'est les livres que tu as lus avant, d'Anne Rice et ce non. genre de choses? Je suis d'accord avec Flavie, dans la mesure où le vampire est un symbole qui est éminemment sexuel. Tout à fait. Et du coup, dans un jeu comme ça, est-ce que ce serait pas utile de pouvoir le jouer sans avoir le regard un peu gêné des autres? Juste pour étaler ma science et puis pour aller dans le sens de Flavie, toujours, il me semble que chez Jung, la morsure, c'est la morsure dans le rêve, c'est le symbole de d'un désir sexuel fort. Il me semble quelque chose comme ça. À fond. Moi, je pense que les premiers auditeurs qui sautent au plafond en nous écoutant parler de sexualité et dire ouais, la sexualité est pas très bien traitée, ou etc. C'est pas vraiment ce qu'on est en train de dire. C'est les joueurs de vampires. Parce que je pense que parmi les joueurs de vampires et les joueuses de vampires, il doit vraiment y avoir beaucoup de gens qui ont et qui entretiennent des histoires d'amour. Moi, c'est mon premier jeu de rôle. Et dès le départ, on a joué une histoire d'amour impossible à la Roméo et Juliette entre Karim qui jouait un personnage très mère et moi qui jouais un personnage salubrien. Tu vois, j'y ai pas joué longtemps, mais dès mon premier scénar, moi je jouais une Ravenos et Céd y jouait un Malkavien. Et dès le premier scénar, le Malkavien se prend d'obsession pour la Ravenos. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le système... qu'on se le dise, il y a des jalons qui sont posés pour jouer ce genre de choses. Premier jalon, l'humanité, qui est ce fameux système de points que l'on gagne ou que l'on perd, fonction des actions que l'on fait avec son vampire, si elles sont humaines ou non. Sachant que l'humanité, c'est vachement subjectif comme truc, tu vois. Donc, comment ça amène la sexualité? Alors, en fait, le fait de chercher à regagner son humanité, ça amène aussi à ressentir des sentiments humains. Et le sentiment humain le plus haut, pour la religion chrétienne, qui est toujours présente dans une histoire de vampire, c'est l'amour. Okay. D'accord ? L'amour de son prochain, etc. etc. Enfin, mais même... c'est le plus bas jalon, si j'ose dire, qui est posé. Culturellement, l'amour, c'est quelque chose qui est... Le deuxième jalon, c'est dans les caractéristiques principales, la présence de apparence, de charisme et de manipulation. Qui sont quand même trois grandes compétences que l'on prête au jeu de la relation sociale, oui, mais de l'amour également. Et puis enfin, et à mon avis, c'est la majeure, c'est cette idée de lien de sang, qui est en fait, si tu donnes ton sang à un autre vampire, d'abord, le sang de vampire procure, et c'est bien précis dans la base, une sensation de plaisir presque plus forte que l'orgasme. Et ensuite... plus tu as de liens de sang, c'est-à-dire plus je te fournis de mon sang et plus tu tombes amoureux de moi. Tu as besoin de moi. Ouais, au troisième stade, t'as une obsession dont tu ne peux plus te séparer. Je me souviens plus des détails exacts, mais en tout cas. Premier stade, tu sens de l'attirance. Deuxième stade, ça devient obsessionnel. Troisième stade, t'arrives plus à te défaire de cette idée. Faut que tu sois régulièrement en contact de en la contact présence avec de la l'individu. Personne. Ça me dit vraiment rien. Mais et donc, ce que t'es en train de dire, c'est que le système prévoit en fait à un moment donné qu'il va y avoir des histoires d'amour. Mais qui va pas jusqu'au bout, c'est ça? Mais malheureusement, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que malheureusement, à partir du moment où cette histoire d'amour a lieu, là, on se retrouve assez dépourvu. On sait pas vraiment comment la jouer. Y a pas vraiment de caractéristiques qui permettent. Parce que tu vois, charisme, apparence, manipulation, tout ça, c'est bien pour emmener quelqu'un dans son lit. Ouais. Mais il y a ensuite, tu vois, il y a comme un espèce de truc où ça tourne à vide, quoi. Alors, mais bon. C'est là que Christophe nous a dit une fois, on en parlait en préparation du podcast, que nous, avec Vampire, on faisait du narrativisme à la vanille. Alors, il nous disait, ouais, vous jouiez, je précise ça aussi pour nos auditeurs, parce qu'ils nous entendent souvent dire ça, vous jouiez un peu, c'est là qu'en fait, les règles de Vampire, on les laissait complètement tomber, ouais, et qu'on jouait finalement sans les règles de Vampire, nos histoires d'amour, détachées ouais, totalement, l'arrache, à l'arrache, en fait, sans, en roue libre, on a un peu vraiment le dire. Mais parce que vous aviez, en fait, des règles implicites entre vous qui vous permettent. Et aussi parce que vous étiez suffisamment en confiance. On avait un contrat social voilà, mais... qui nous permettait de pouvoir le faire. Parce que, ouais, quand j'ai joué à Vampire et qu'il y a eu ça avec Sed, moi je ne vous connaissais pas encore trop bien à l'époque parce que c'était les premiers moments où je traînais avec vous et je suis désolée, on n'a pas poussé le truc plus loin parce que je ne me sentais pas du tout prête à faire ça. Ouais, d'accord, ok. Et pour revenir à ce qu'on disait au début, il me semble que. Si un jeu de rôle veut parler, il faut que ces règles de contrat social soient explicitées. Et même que les règles poussent les gens à se poser la question en début de jeu. Et à se dire, voilà jusqu'où je veux aller. Ou plus exactement, voilà jusqu'où le jeu me demande d'aller et d'accord. J'accepte d'y aller. Parce que ce que je trouvais sympa dans Vampire, finalement, c'était que c'était amené de manière subtile. Il y avait trois jalons, on va dire, qui amenaient les gens là-dessus. Ouais. J'ai peur que si tu mets finalement le sexe ou la sexualité, au centre de la règle, ou en tout cas que tu en parles dans la règle de manière explicite, j'ai peur que les joueurs soient trop invités. C'est ce que tu disais en fait, c'est que le sexe, la sexualité a tendance à attirer les joueurs en fait, qu'ils le veuillent ou non. C'est-à-dire que s'il y a possibilité d'avoir de la sexualité dans un jeu, si les règles prévoient, ouais. J'ai peur que les joueurs y aillent très très vite. Et tu vois, finalement, que ça devienne presque surréaliste, quoi. Qu'on arrive. D'ailleurs, ouais. Dans Hot Guys Making Out, la partie que je vous ai ouais. vu débuter, on voyait que parce que la sexualité était au cœur du jeu, la moindre description que vous faisiez était suivie d'un petit clin d'œil, d'un plissement de l'œil qui signalait de la même manière que. Oui, enfin. Okay. Alors que dans la vie tous les jours, la sexualité arrive sans crier gare. Mais de la même manière que depuis le début de ce podcast, chaque fois qu'on dit grand, chaque fois qu'on dit glissant ou tout ce que vous voulez, ça prend immédiatement une connotation sexuelle. C'est ça. Parce que le sexe est présent à l'esprit pour nous. Ouais, exactement. Exactement. Et. Et donc ce que tu voudrais dire, c'est que pour toi, il faudrait pas que ce soit trop explicite. Voilà. C'est ça ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de sexualité dans le jeu de rôle ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est possible ? Parce que si tu mets une règle qui amène les joueurs à parler de sexualité, est-ce que ça va pas les amener trop vite vers soit la caricature, soit vers l'acte sexuel ? Je sais pas, ça dépend peut-être du canon que tu joues aussi. Peut-être qu'il y a des jeux où on peut le prévoir. De la même façon qu'on prévoit qu'on peut tuer des gens, c'est pas pour ça qu'on va le faire. Peut-être que du coup, le canon n'amènera pas forcément directement à ça. Alors... Ça, c'est super compliqué, ces questions. Moi, ma réponse là-dessus, c'est une réponse... je reviens aux histoires de relations. À mon avis, pour que la sexualité reste quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire de pas caricatural, et qu'en même temps, elle soit pas quelque chose de débridé, je pense qu'il faut que les relations des personnages soient en jeu. T'as tout compris. Je pense qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des relations sexuelles avec n'importe qui et de manière complètement débridée. C'est le téléphone fixe qui sonne. D'accord. Zap. Ouais, c'est pas grave. Qu'est-ce qui nous empêche donc d'avoir des relations sexuelles de manière débridée dans la vie de tous les jours? en dehors du fait qu'on est peut-être un peu timide, je pense que c'est beaucoup des choses de l'ordre de la relation. C'est-à-dire que si on va dire à quelqu'un, hey, ça te dirait pas qu'on passe une heure au lit ensemble, ben, peut-être que la personne à qui on a proposé ça va trouver ça super bizarre. Et donc, dans la vie de tous les jours, il y a des codes sociaux qui permettent de savoir quand est-ce qu'on peut séduire quelqu'un, dans quel cas. La personne va vous faire savoir qu'elle est libre ou pas. Donc, il y a des lieux. Ces codes sociaux doivent être respectés au cours de la partie. Alors, pas forcément respectés, mais en tout cas, ils doivent être très intéressant. Présents. C'est pour ça qu'à mon avis, l'idée de dire tous les... Voilà, si, enfin, moi, je suis en train, donc, comme dit, d'écrire orgue. J'ai envie que quand les personnes parlent de sexualité entre eux, juste après, les gens puissent dire, ben voilà, ça a amélioré ou ça a endommagé la relation qu'on a entre nous. D'accord. Parce que ça oblige à comparer être. Comparer finalement la relation sociale à ce qui se passe après, avant, avec le comportement des gens. Et là, les comportements peuvent plus être caricaturaux parce que justement cette relation est présente. J'ai un exemple d'un jeu qui est bien meilleur que mes tentatives pour le moment, qui est Blistage de Ben Lehman, qui est un jeu dans lequel le principe c'est qu'on joue. Il y a une invasion extraterrestre, l'apocalypse donc, et on joue des jeunes entre, des jeunes jusque 18 ans à peu près, qui combattent dans le monde des rêves les aliens. Et dans le monde des rêves, donc ils sont dans des mécas. Façon Évangélion, tout à fait. C'est très proche d'Évangélion. Et ces mécas sont constitués des relations qu'ils ont avec les autres. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une épée flamboyante qui est l'amour de leur vie, ils peuvent avoir une carapace qui est leur meilleur ami, etc. etc. Plus leurs relations avec les autres sont intenses et plus leur méca est puissant. Dans les scènes d'action, ces relations vont être mises en jeu et endommagées. C'est vraiment un canon du manga de méca, c'est incroyable. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il va y avoir des scènes d'intimité dans lesquelles on va essayer de réparer ces relations, de les améliorer. Donc, dans la réalité, où on va raconter comment les personnages essayent de... T'as dit qu'il s'appelait comment ce jeu ? J'adore. Blistage. C'est génial. Cool. C'est génial. C'est assez génial, ouais. Et donc, dans ce jeu, il y a une règle qui est formidable et qui m'avait beaucoup frappé. J'avais une fois raconté une tentative de séduction un peu naze de mon personnage pour un autre. Et en fait, il y a une règle qui dit, un des deux joueurs, n'importe qui peut dire, notre relation perd un point de confiance. Ce qui est assez douloureux pour les deux, et ce qui est douloureux en particulier dans les scènes d'action. Et donc là, par exemple, j'avais séduit et l'autre voyait pas de raison pour laquelle l'autre joueur ne voyait pas de raison pour laquelle son personnage pouvait refuser cette offre de séduction. Et c'est intéressant. En revanche, après, il a dit, vu la manière dont tu l'as fait, je trouve que notre relation perd un point de confiance. Et ça m'a obligé, alors que jusque-là je jouais de manière assez c'était un personnage un peu libertin, d'un seul coup ça refroidit. Parce que tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que il m'a fait perdre ce point de confiance. Voilà, et puis tu te dis c'était un peu gratuit en plus, si mes souvenirs sont bons. Alors, on en avait parlé. C'est possible. C'était un petit peu gratuit, le point de confiance perdu. Toi, en tant que joueur, t'avais pas l'explication. C'est-à-dire que je m'en suis pas. En fait, C'est important. Hein, voilà, c'est très ça. Important. C'était une manière pour l'autre joueur aussi de m'envoyer un signal qui disait, je trouvais que c'était très maladroit la manière de faire. Ouais. C'était juste, c'est-à-dire, mais c'était maladroit. Alors moi, c'est marrant que tu parles de ça, parce que vraiment, c'était le prochain point que j'avais envie d'aborder avec toi, la prochaine question que j'avais envie de te poser, c'était finalement, est-ce que le jeu de l'amour et le jeu de la sexualité n'est pas un jeu qui dépasse foncièrement les règles d'un système de jeu ? C'est-à-dire, finalement, c'est un peu la société, les codes sociaux. Ça toujours. Oui. Oui, mais à quel point ? C'est-à-dire, est-ce que Org, ton jeu, tu penses que même si ton système est très bon, si tu arrives vraiment à faire ressentir, parce qu'en fait, finalement, c'est intéressant parce que finalement, l'expérience que t'as vécue avec Blistage, là, c'est un petit peu, tu t'es dit putain la vache, ça m'a fait quelque chose. C'est un petit peu celle que tu recherches aussi avec Org. Tu cherches à le développer de manière différente, mais à encourager un maximum cette sensation. J'ai envie de dire, est-ce que dans une société dans laquelle la sexualité serait vue d'une manière totalement différente, bon, je pense à certaines sociétés libertaires, certains même courants libertaires dont j'ai entendu parler dans des magazines divers qui prônent par exemple la totale liberté sexuelle dans le couple. Voilà, exactement. Est-ce que Org provoquera le même effet ou est-ce qu'il va pas tomber un petit peu à plat? Et puis, tu vois, comment est-ce que tu peux prévoir, anticiper dans les règles d'un jeu les règles qui seront celles de la société à laquelle tu vas t'adresser? Alors, que ce soit dans Org ou dans Blistage. Est-ce que c'est possible quoi, de parler de sexualité dans que un soit, jeu que ce soit dans... Alors, j'ai un truc à te dire après ça. Ouais. Mais dans Org comme dans Blistage... Alors Org, je précise que je ne l'ai pas beaucoup testé pour le moment. Hein, donc, d'accord. Mais, ouais. je m'inspire énormément de Blistage. Donc, dans Blistage, on ne te dit pas... c'est une société homophobe, donc quand tu fais un acte homoérotique, tu perds 2 points de... Enfin, ce n'est pas ce qu'on te dit. Non, bien sûr. En revanche... On laisse les joueurs avec leur liberté de juger ce que les actes sexuels peuvent avoir comme conséquence sur les relations affectives qu'ils entretiennent. D'accord. Et dire que les relations affectives sont liées, enfin, on part à la sexualité, ça, je crois que c'est vrai dans énormément de sociétés. Donc, en fait, tu vas faire prendre du recul aux joueurs sur leurs pratiques et sur leur vision de la sexualité. C'est ça que tu veux faire. C'est ça, ouais. Faire réfléchir. Tiens, regarde ce que t'es prêt à accepter, regarde ce que t'es pas prêt à accepter, quoi. Exactement. Si je suis un homme et que je te drague, tu me fais perdre un point de confiance. Tiens donc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, par exemple. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, ouais, d'accord. C'est un jeu, en fait, dont les règles amènent à réfléchir sur sa sexualité, en fait. Alors oui, et puis c'est pas la même chose que aux conséquences, plus exactement aux conséquences. Alors dans Blistage, c'est pas forcément la sexualité, hein, ça peut être l'intime en général, oui, ou l'affectif en général. Oui, tout à fait. Mais en quoi l'affectif peut avoir des conséquences sur les relations l'intime peut avoir des relations sur l'affectif. Je crois que Flavie voulait dire quelque chose. Ah non, d'accord. Non. j'ai cru que tu le micro levé. Polonais. Et l'autre truc que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que tu me disais, ah, est-ce que la sexualité, c'est pas trop compliqué? Évidemment, c'est un phénomène social, c'est effroyablement complexe. Hein. Je mets au défi n'importe qui de traiter la totalité de la sexualité dans un jeu. Mais c'est vrai, c'est tout aussi vrai pour n'importe quel autre phénomène. Le combat, enfin... Alors, ouais. J'ai encore un truc à dire après ça, mais le combat, par exemple, personne n'arrivera à traiter un combat de manière. J'ai pas du tout envie de dire réaliste, parce qu'à mon avis, les règles n'ont absolument pas à faire de la simulation ou à simuler la réalité, plus exactement, ou à être réaliste. Mais le combat est un phénomène extrêmement complexe. Ce qui est intéressant dans un jeu, c'est de prendre des règles et que ces règles poussent les joueurs à traiter un thème particulier. Mmh. Et donc, ce thème, ça peut être sexualité, conséquences sociales de la sexualité, ça peut être comment arriver à optimiser le comportement de groupe pour être sûr de buter un maximum de monstres. Ça c'est intéressant. Voilà. En fait, le truc, c'est que c'est lié à ta croyance, en fait, que le combat ne doit pas être réaliste. Et moi, je la partage. C'est-à-dire, en fait, je pense que ceux qui veulent faire du réalisme en combat, c'est des gens qui se disent, tiens, on va aller regarder dans la réalité ce qui se passe pour évaluer si des règles sont bonnes ou pas. Genre, oh mais non, mais c'est complètement incohérent que ta balle passe à travers du béton armé ou je sais pas quoi. Parce que regarde, si on fait l'expérience dans la réalité, et là, tac, on fait l'expérience dans la réalité, on regarde, et ben voilà, ça passe pas. Donc, c'est pas ça normal. Ça me fait penser à un truc, mais je sais plus le jeu, je demande si c'est... Quel est le jeu de rôle déjà où il y a une table pour les accouchements difficiles? C'est Rollmaster. Rollmaster. Mais c'est une blague. Je me demande. Oui, non, mais Rollmaster, c'est typiquement le genre de. Voilà. Est-ce qu'il y a une table pour les performances sexuelles? J'aimerais bien. Est-ce que si un des éditeurs le sait, j'aimerais bien qu'il mette. Alors, un message sur le blog. Alors, il y a un jeu. Je voudrais juste terminer et puis sur cette histoire. En fait, un système de règles, c'est comme un moteur physique d'un jeu vidéo. Si vous avez décidé par vos règles qu'une balle ne traverserait plutôt un mur en béton armé, et ben c'est votre choix et c'est comme ça. Le système pose l'ontologie du monde dans lequel on va jouer. Ouais, alors là c'est des mots un petit peu compliqués, mais c'est exactement attention, ça. Attention, parce que tu es en train de. Par exemple, tu pourrais faire passer en contrebande l'idée que les règles doivent simuler la réalité. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est elles doivent simuler la réalité qui t'intéresse pour défendre le message non, que tu non veux. Non plus. C'est Si par exemple, pour prendre un jeu comme Monostatos, mes règles ne simulent pas le fait que la réalité est, dans Monostatos, elle est très, il y a énormément de souffrance. Le désert, c'est un lieu de souffrance. Dans ton système, il y a l'un des premiers trucs qu'on marque, c'est la souffrance qu'on a. Oui, tout à fait. Mais en même temps, on n'est pas en train d'essayer de. Non, parce qu'en fait, toi, dans ton jeu, Fabien, ce qui joue, c'est la crédibilité. Oui, mais ça, c'est vrai dans tous les jeux, en fait. Mais le problème, c'est que la crédibilité, on pourrait dire aussi que ça fait passer en contrebande l'idée de réalisme. Parce que qu'est-ce que c'est que la crédibilité, sinon le fait d'être en accord avec la réalité ? Non, parce que si, par exemple. Ouais, c'est un on est en train de se lancer dans un débat qui est tout un autre. C'est juste une idée, c'est que c'est regardez par exemple dans un prochain débat crédibilité et réalisme. Oui, ça marche, mais de toute façon ça fait longtemps que c'est dans le four. Mais par exemple dans Final Fantasy VII, on peut se battre à l'arme blanche contre un personnage qui se bat à l'arme à feu parce que la physique du jeu le permet. Et là, on s'en fout du réalisme. Ce qui compte, c'est que ça aille dans la couleur du jeu, dans ce qu'on veut dire, etc. Ce qui compte fondamentalement, c'est comment les règles structurent les actions des joueurs. On s'en fout de... Et donc, si les règles poussent les joueurs à aller aborder des thèmes de sexualité et les poussent de manière qui leur soit pas désagréable ou ils se sentent en sécurité, etc., etc., ben on pourra avoir un jeu qui permet beaucoup plus intelligemment d'aborder les thèmes de la sexualité qu'un jeu dans lequel on dit étant donné que tu es une femme, tu as tant de pourcents de chances d'être séduite par telle d'accord, situation. D'accord. Donc pour toi, les règles simulent non pas une forme de réalisme physique. Elles ne simulent pas une physique, elles servent à guider les joueurs dans leur création. C'est ça, tout à fait. Ouais, d'accord, ok, ça marche. Je sais pas si c'est très donc pour revenir, similaire à ma vision. Et pour revenir à ce qu'on disait. Ouais, mais en tout cas, pour la sexualité, c'est vachement intéressant du coup, cette distinction. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que les règles sont là pour simuler une physique, comme moi. Voilà. Et pas pour simuler. Or, pour parler de la sexualité, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir des règles qui parlent aux joueurs. Mettre les gens en confiance. C'est intéressant, ok. Merci Fabien d'être venu. Mais merci. Ça ouvre pas mal de sujets finalement. Merci. Comme souvent les podcasts. C'est clair. Merci d'avoir m'avoir laissé proposer ce sujet. C'est vraiment un truc dont j'avais envie qu'on parle. Et j'espère qu'on va se mettre à parler de plus en plus de sexualité en jeu de rôle. Ce serait cool. Alors encore une fois, comme disait Thomas, quand je suis là, on parle de cul. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir des règles pour le soutien. Encore une fois, je pense qu'il faudrait effectivement faire une norme PEGI du jeu de rôle, si j'ose dire, quoi, avec des niveaux. En fait, la règle finalement de Breaking the Ice, moi, je l'appliquerais bien dans tous les jeux de rôle, en fait. Cette règle de, allez, le sexe, alors parlons-en rapidement, avant de commencer la partie, le sexe. On va jusqu'où si on doit avoir, finalement, dans tous les jeux de rôle, moi, je la mettrais, cette règle. Dans Org, moi, j'ai une règle qui est ce qu'on appelle un voile, en théorie forgienne, c'est-à-dire les actes sexuels, je parle bien des actes sexuels, on sait qu'ils existent, mais on ne les décrit pas. D'accord, ok. Ouais. Alors il y a d'autres raisons pour ça aussi, c'est d'abord pour que les joueurs soient en confiance. Et alors j'aimerais terminer sur un truc. On avait fait une fois une partie de Breaking the Ice avec Frédéric, où on s'était dit, allez, on a pas peur, on va décrire des actes explicitement. Et c'était très très chiant. C'est beaucoup plus intéressant de parler du désir des personnages, de leurs relations, que de ce qu'ils font au lit. Ouais, d'ailleurs, ce qu'on a fait dans Hot Guys Making Out, c'est qu'on a surtout traité du moment où on se drague et au moment où ça allait passer à l'acte. On a décidé que c'était fini parce qu'en fait c'était plus intéressant. On a décrit ce que c'était Hot Guys Making Out. On va peut-être en parler quand même. C'est un jeu pour faire du yaoi. Le yaoi, donc, c'est un genre du manga qui est écrit par des femmes pour des femmes. Et en gros, oui. Et qui met en scène une homosexualité masculine idéalisée, plus ou moins, c'est ça ? D'accord. Oui, avec généralement un des hommes qui représente l'homme et un des hommes qui représente la femme. Voilà, c'est très genré, c'est ça ce qui est un peu paradoxal, mais bon. Là, par exemple, dans la notion de genre, là, l'homme qui fait la femme et l'homme qui fait l'homme, ils n'ont pas le même genre et ils ont le même sexe. Ouais, tout à fait. C'est ça ? Ouais, cool, j'ai compris. Et donc, c'est un jeu dans lequel, pour une raison que je ne connais pas, ça se joue durant la guerre civile espagnole. entre un gentilhomme espagnol. Parce qu'ils sont franco. Non, même pas. Je pense parce que c'est et donc entre un gentilhomme espagnol et son jeune page ou son jeune son jeune ami exactement. Je pense que c'est un contexte de guerre parce que ça permet d'apporter des éléments de menace extérieure qui donnent du punch à l'histoire et qui fait que l'histoire ne parle pas seulement de leur moment de drague et que on parle d'autre chose que simplement de. Donc finalement, Fabien, ton conseil, ce serait, pour reprendre l'idée que tu développais au début, c'est finalement, ça sert à rien de décrire de façon explicite ou en tout cas, ça n'apporte pas grand intérêt pour une histoire. C'est le désir et tout ça qui compte finalement. C'est quand on se tourne autour. C'est ça. Peut-être que quelqu'un écrira un jour un jeu de rôle pornographique qui sera très intéressant, mais moi j'arrive pas à me le représenter. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de parler de la sexualité comme désir, donc avant l'acte sexuel si on a envie de dire, et puis comme cause, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a comme conséquence sociale, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans les relations avec les autres. Est-ce que le jeu de rôle pornographique, rien à voir avec des baguettes, des raquettes de tennis, je sais pas quoi. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est plutôt les jeux finalement un peu sexuels qu'on peut avoir quand on est avec sa nana et qu'il y en a un qui joue à Batman. Ah, ça, je ne sais pas. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Tu sais que moi, quand je parle de jeux de rôle à des adultes, il y a beaucoup de gens qui me regardent le sourire en coin, en me disant, tu dois bien t'amuser, coquin. Donc ça veut dire que tu vois, le podcast de la cellule va exploser son nombre de visiteurs avec jeux de rôle et sexualité dans son. Non, je pense pas. Je pense pas, même pas. Tu vois, un nombre d'auditeurs, ça va être ouf. Peut-être pas les auditeurs que tu voulais. Je crois pas. Si on met pas un truc avec des gros seins Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Oh, il y a des éléments qui vont être coupés, mais ça va être formidable. Je voulais juste t'embêter. Tu pourras couper. Non, mais attends, franchement. Ah, tu vas avoir du travail. Non, même pas, je couperai pas. Je laisse tout. J'ai toujours tout laissé. Je laisserai tout. C'est bien comme ça. Bravo, Rome. Voilà. Et les seuls trucs que je coupe de temps en temps, puisqu'on en est à parler de ça, c'est. T'as qu'à mettre ta poêle sur la photo. Des petits blancs dans la voix ou ce genre de choses. Ouais, c'est tout. Vraiment, c'est tout. Bon, allez, ça n'a rien à voir avec la sexualité et jeu de rôle. Merci, Fabien, d'être venu. Merci beaucoup à vous deux. Ne serait-ce que la notion de genre et tout ça, je trouve ça vachement intéressant. Ouais. Ça permet aussi de discuter avec des gens de caricatures qui nous dérangeraient au cours de parties et tout ça. C'est très, très, très intéressant. Et puis, on espère que moi, j'espère, personnellement, c'est un cri du cœur, que le jeu de rôle, étant donné qu'aujourd'hui, il est pratiqué de plus en plus par des femmes, j'espère qu'il y aura aussi de plus en plus de femmes qui vont nous maîtriser des parties, parce que je trouve scandaleux que en convention ou autre, on puisse entendre des réflexions sur la manière dont maîtrisent les filles et sur les parties maîtrisées par les filles. Sylvie en parlait à l'UDESCO, mais toi aussi Flavie t'en parlais, d'avoir des réflexions de joueurs qui disent tu parles pas avec une grosse voix, donc tu peux pas jouer des personnages charismatiques. J'ai envie de répondre à cette personne. Et toi, t'as pas une voix de femme, donc tu peux pas jouer un personnage féminin. C'est un petit peu stupide. C'est ton coup de gueule de la. C'est cool de réfléchir un petit peu à ses comportements et puis d'essayer d'encourager aussi les filles à se lancer et voilà, ça serait bien. Et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'avais une question à te poser, toi qui connais bien ce truc-là. Moi, je ne joue jamais de femme. Ouais. J'ai peur. C'est grave, docteur. J'en sais rien, je sais pas. Ah merde, putain, c'est con. Je pensais que. Il est en sociologie, pas en psychologie. Ah merde, ouais. Bon, c'est pas. Et le truc, c'est qu'à côté de ça. J'arrive jamais. Moi, j'ai envie de te dire, si t'es pas en confort à l'idée de jouer quelqu'un de l'autre sexe, ne le fais pas. Sauf si le jeu. Et si un jeu te le demande, tu joues pas à ce jeu. D'accord, ok. Ou alors, il faut jouer seulement avec des gens qui sont en. Breaking the Ice me l'avait demandé. Oui, tout à fait. Ouais, mais j'avais quand même joué. C'est très bien. Ouais. C'est vrai que d'une manière générale, moi j'hésite à. J'ai déjà joué des hommes, ouais. Je joue les deux avec plaisir. Moi j'ai l'impression que je vais avoir plus de difficultés à rentrer dans un personnage féminin. Alors moi ce que je pourrais te dire et voilà ça dérape. Non, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est que on peut avoir une réticence légitime à se dire j'ai peur d'être caricatural en jouant une femme. Voilà, c'est exactement ça. T'as tout compris. C'est mon problème. Alors, à partir du moment où je veux pas l'être. Je pense que c'est très sain comme question à se poser, parce que ça veut dire qu'on a conscience du fait qu'on est porteur on est tous porteurs des contradictions qu'on dénonce, n'est-ce pas ? Ouais. C'est clair. Mais à partir du moment où t'as ça en tête, c'est à partir de ce moment-là que tu peux te dire bon ben voilà, si je me rends compte que je joue une caricature durant le jeu, je pourrais le rectifier. C'est aussi parce que je suis quelqu'un qui aime vachement vraiment entrer dans ses personnages, vivre l'aventure à travers le personnage et tout. Et je pense que du coup, comme je favorise à fond le jeu d'acteur, presque la prestation. Si je voulais vraiment aller jusqu'au bout du. Ouais. Non. Vas-y, développe. Je m'engage sur un terrain glissant. Mais n'aie pas peur. J'ai presque envie de te dire que c'est difficile de jouer une femme. Que c'est difficile de jouer une femme, c'est déjà une forme de sexisme, parce que tu supposes que tu es imperméable aux émotions. Ah, j'aime que tu me dises ça. T'as déjà joué un noir ou un asiatique. Carrément, à fond, plein de fois. Ben voilà, ils sont aussi les. Enfin, ouais. toi et moi, on est blancs. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est déjà une forme de sexisme chez moi, parce que ça supposerait que les femmes auraient des particularités. Du fait d'être des femmes, c'est ça, et que ces particularités-là, tu ne pourrais pas les comprendre. D'accord, que, ça marche. Que ça resterait à l'extérieur de toi. Moi, je sais que j'ai joué plusieurs hommes. La première fois que j'ai joué un homme, j'ai joué de façon caricaturale parce que je jouais un russe, Et les autres fois que j'ai joué des hommes, je les ai joués comme je me jouais moi. Et j'ai pas du tout changé qui j'étais. Et c'était très bien comme ça. Et j'ai même envie de te dire, Romaric, que tu peux être un homme et jouer un homme de manière caricaturale. Oui, tout à fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire te dire, surviriser. Exactement. Ouais, non, mais bien jouer, sûr. Jouer un macho. La caricature, on n'en est pas à l'abri qu'on joue. Donc, tout ça pour te dire que. Ouais. Donc, il faut que j'arrête de me limiter, quoi. Ou alors, il faut que tu joues Romaric Briand, quoi, parce que tu peux. Mais c'est toujours ce que je fais. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que t'aimes bien jouer à des philosophes. J'aime bien jouer des philosophes qui aiment bien se prendre le chou, qui sont des érudits. Ça peut être une démarche, mais pour terminer ce que je disais tout à l'heure, ça peut être vrai pour n'importe quel autre type de discrimination sociale. Tu peux pas jouer un vieillard parce que racial, peur, ou tu peux pas jouer un ouvrier parce que t'es pas ouvrier et que c'est un certain type de position sociale en termes de classe. Un enfant. D'ailleurs, c'est vrai que tu joues pas les enfants. C'est compliqué. Bah, c'est la conclusion la plus longue du monde, je pense. Ouais, et je pense que ça fait trois fois qu'on se dit au revoir. Qu'on se dit au revoir. Ah, bon, au revoir. On aime ça tellement. En fait. Voilà, c'est ça. On aime ça. Allez, à bientôt tout le monde. Au revoir. Ciao. À bientôt. Salut.